11-25, activation orale, passé immédiat, venir de. Répondez selon l'exemple. Vous entendez... 1. Ça fait longtemps que Robert est à Paris. Et vous répondez... Non, il vient d'arriver. Allons-y. 2. Ça fait longtemps que Robert et Mireille sont là. Non, ils viennent d'arriver. 3. Ça fait longtemps que vous êtes ici, tous les deux. Non, nous venons d'arriver. 4. Ça fait longtemps que Mireille est au Luxembourg. Non, elle vient d'arriver. 5. Ça fait longtemps que tu es là, toi? Non, je viens d'arriver.